Chapitre 28, où Jana a une idée. Pour le coup, la mêlée devint terrible. La place était forcée. Frère Bruno garda le silence pendant 10 bonnes minutes. Mais Joséphine, sa jolie massue, parla pour lui. « Salut, mon cousin Aubry, » dit Méloire, qui était dans l'enceinte. « Je crois que nous voilà encore en partie. Je te provoque un combat singulier, traître et lâche que tu es, » s'écria Aubry en se posant devant lui. « Provoque si tu veux, mon cousin Aubry, » répondit Méloire en riant. « Moi, j'ai autre chose à faire. Je vais voir si ma belle reine pense un peu à son chevalier. »« Toi, son chevalier ?» s'écria Aubry furieux. « Tu en as menti par la gorge. Défends-toi. » Il lui porta en même temps un coup d'épée au visage, mais Méloire avait sa visière à demi rabattue. L'épée, frappant à faux contre l'acier, se brisa par la violence même du coup. Méloire leva le fer à son tour. « Il faut donc te payer ma dette tout de suite, mon cousin Aubry, » dit-il. Mais au moment où son arme retombait sur Aubry sans défense, une forme blanche glissa entre les deux combattants. L'épée de Méloire se teignit de sang. Ce n'était pas celui d'Aubry. « Reine !» s'écrièrent en même temps les deux adversaires. Reine se laissa choir sur ses genoux. « Tiens, Aubry, » dit-elle d'une voix faible, « je t'apporte l'épée de mon père. »« Reine, reine, vous êtes blessée ?»« Que Dieu soit béni si je meurs pour toi, mon ami et mon seigneur, » murmura la jeune fille. Sa tête s'inclina, pâle, et sa taille s'affaissa. Aubry, fou de douleur, se précipita sur Méloire. En même temps, Jana, Bruno, Julien et Simon le Priol, tout le monde enfin, hommes et femmes, tentant un suprême effort, se ruèrent contre les assiégeants. Un instant, au milieu de la nuit obscure, on n'aurait pu voir qu'une masse confuse et compacte, une sorte de monstre agitant ses 100 bras. Puis des plaintes s'élevèrent, des râles sourds gémirent. « Ferme, ferme !» commanda Bruno, dont la tête et le bras droit s'élevèrent au-dessus de la masse par deux ou trois fois. Par deux ou trois fois, l'acier cria, broyé sous le poids de son espoir. Il avait fait un large cercle autour d'Aubry, dont la bonne épée ruisselait. Aubry, dégagé, fondit à son tour sur le gros des hommes d'armes qui plièrent et se retirèrent vers l'angle de l'enceinte qui leur avait donné entrée. Ils sont à nous, ils sont à nous! Hurlait Bruno, ivre de joie. Et Dieu sait que les gens du village incendié n'avaient pas besoin d'être excités. Mais au moment où les hommes d'armes et les soldats qui avaient pénétré dans l'enceinte se trouvaient acculés au mur, la grande taille de M. Hugh de Maurevers se dressa entre eux et les défenseurs de la place. « Assez !» dit le vieux chevalier en étendant sa main désarmée. « Mais ils ont tué Mademoiselle Reine !» s'écrièrent Jeannin, Julien et les autres. « Assez !» répéta le vieillard, dont la voix austère ne trembla pas. Tout le monde s'arrêta, bien à contre-cœur. Les assaillants sautèrent par-dessus le mur et s'enfuirent en menaçant. Bruno grommela. En l'an 50, le vieux Hugh de Maurevers qui ouvre le piège à loup et laisse échapper la bête. Mauvaise histoire. « Jeannin, mon petit pot de mouton, » ajouta-t-il, « le loup qu'on laisse échapper va aiguiser ses dents. Revient et mort. » Mais Jeannin était déjà avec Simonette auprès de Reine évanouie. On porta la jeune fille dans la tour. L'épée de Méloire avait entamé la chair de son épaule et le sang coulait sur son bras blanc. Aubry était agenouillée près d'elle et pleurait comme une femme. Quand elle rouvrit ses beaux yeux bleus, elle tendit l'une de ses mains à son père, l'autre à son fiancé. Son sourire était doux et heureux. « Dieu m'a gardé pour ce que j'aime, » murmura-t-elle. « Que son saint nom soit béni !» Ses yeux se refermèrent. Elle s'endormit pendant qu'on lui posait le premier appareil. « Or ça, vient ici, peau de mouton !» dit frère Bruno. « C'est à mon tour d'être soigné un petit peu. J'ai un bras endommagé légèrement. » Il montrait son bras gauche où s'ouvrait une énorme blessure. « J'ai un carreau d'arbalète dans la cuisse droite et un coup de coutelas à la hanche. Je prie mon saint patron pour les pauvres garçons qui m'ont fait ces divers cadeaux, car ils sont trépassés à cette heure. Dis au Goton de m'apporter de l'eau. Ce sont d'honnêtes filles qui tapent vertueusement et mieux que bien des hommes. Quant à des herbes médicinales ou simples, comme on les appelle dans l'usage, on n'en trouverait pas une seule sur ce rocher. Sais-tu l'histoire du roi Artus, de la belle Hélène, du géant, peau de mouton ? Ne parlez pas tant, mon frère Bruno, répliqua Jeanne, qui coupait une chemise en bande pour faire des ligatures. Que je ne parle pas, graine de taupin ? S'écria Bruno en colère. Tu veux donc que j'aie la mâle fièvre ? À présent que les malandrins sont partis et que j'ai 4 ou 5 trous dans le corps, j'espère bien que le vieux Maurevers lèvera l'interdit qui pèse sur moi. Laisse ces chiffons, peau de mouton, mon ami, et va bien vite demander à monsieur U s'il veut me donner licence de conter quelque histoire. Mais vous vous fatiguerez, mon frère Bruno. Tais-toi, petit coquin, tu ne connais rien à la chirurgie. Parler fait toujours du bien. Apporte-moi cette pierre qui est là-bas et que j'ai eu grand tort de ne pas leur jeter à la tête. » Jeanne alla vers la pierre et tâcha d'obéir, mais il ne put seulement pas la remuer. Frère Bruno se leva en chancelant, prit la pierre avec la seule main qu'il eut de libre et la lança à sa place pour s'en faire un siège. « Vous êtes tout de même un fier homme, » dit Jeanne avec admiration. « Oh, mon pauvre petit !» répliqua Bruno plaintivement. « Demain, en rentrant au couvent, j'aurai la discipline double. Mais il faut dire que je l'ai bien gagnée, » ajouta-t-il en riant dans sa barbe. « Holà, les gotons !» s'écria-t-il tout à coup. « Voulez-vous que je meure au bout de mon sang ? De l'eau et du linge, mes bonnes chrétiennes, vite, vite !» Il était devenu tout pâle, et la vaillante vigueur de son corps fléchissait. Les gotons, les maturins, les catiches, scolastiques et le reste, s'empressèrent aussitôt autour de lui, car il était évidemment le roi de la partie plébéienne de la garnison. Ses blessures furent lavées et pansées tant bien que mal. « Nous voilà bien, » dit-il. « Maintenant, je recommencerai de bon cœur. Oh, mes vrais amis, j'en ai vu bien d'autres. Savez-vous l'histoire de Tête d'Anguille, le meunier de l'Ilion en rivière de Vilaine ? Tête d'Anguille était père de 19 enfants, 8 fils et 11 filles, qu'il avait eu de sa femme Monique, laquelle était du bourg d'Assigné. Une nuit qu'il ne dormait point, il entendit son moulin parler. Son moulin disait « Va là-haut, va là-haut, va là-haut » comme disent tous les moulins, vous savez bien, pendant que le blutoir fait « cote, cote, cote, cote, cote, cote ». Tête d'Anguille comprit bien que son moulin voulait dire « Va là-haut, va là-haut ». Il éveilla sa ménagère et lui recommanda d'écouter le moulin. La ménagère écouta. Que dit-il ? Demanda Tête d'Anguille. Il dit va à l'eau, va à l'eau, va à l'eau, comme qui serait va à l'eau, va à l'eau, va à l'eau. Or, Tête d'Anguille avait eu un songe qui lui annonçait un grand trésor, et Tête d'Anguille devait 2 annuités à son seigneur, qui était justement Jean de Kerbraz, le bègue, dont je comptais vous dire l'histoire après celle-ci. À cet endroit, un goton laissa échapper un ronflement timide. Scolastique y répondit par un son de trompe mieux accusé. 3 maturins prirent le diapason et sonnèrent en chœur la fanfare nasale. Les Josons, les Catiches et les 2 autres gotons, car nous ne parlerons plus jamais de goton le cerf, voué à un opprobre éternel, ripostèrent aussitôt et la symphonie s'organisa sérieusement. Le frère Bruno regarda d'un œil stupéfait son auditoire endormi. Jusqu'au petit Jeannin qui avait sa jolie tête blonde sur son épaule et qui sommeillait comme un bienheureux. « C'est bon, » gronda frère Bruno avec rancune. « Ils ne sauront pas la fin de l'histoire de Tête d'Anguille, voilà tout. » Il arrangea sa roche en oreiller et mêla sa basse taille au sommeil général. De tous les gens rassemblés dans la petite forteresse de Tombelaine, il n'y en avait qu'un seul qui garda les yeux ouverts. C'était monsieur U. Pendant tout le reste de la nuit, on eût pu le voir faire sentinelle autour de l'enceinte, désarmé, tête nue, la prière aux lèvres. Le crépuscule se leva. Le mont Saint-Michel sortit le premier de l'ombre, offrant au reflet de l'aube naissante les ailes d'or de son archange. Puis les côtes de la Normandie et de Bretagne s'éclairèrent tour à tour. Puis encore une sorte de vapeur légère sembla monter de la mer qui se retirait. Et tout se voila, sauf la statue de Saint-Michel, qui dominait ce large océan de brume. Hugues de Maurevers était debout et immobile du côté de l'enceinte où l'escalade nocturne avait eu lieu. En dedans des murailles, il y avait 3 cadavres. Il y en avait 5 au dehors. Hugues de Maurevers pensait « 8 chrétiens, 8 bretons mis à mort à cause de moi. » Quand on s'éveilla dans la forteresse, Monsieur Hugues dit « Je ne passerai point une nuit de plus ici. Il y a eu trop de sang répandu déjà. Quand viendra la brume, j'irai sur la côte de Normandie. Qui voudra me suivra ?» Hugues de Maurevers était de ces hommes à qui on ne réplique point. Pourtant Aubry fit cette objection. « Sirène est trop faible pour le voyage. »« On la portera, » dit Monsieur Hugues. « Voilà qui est bien, mon bon seigneur, » reprit le frère Bruno avec respect. « Vous regardez mon bras et ma cuisse, c'est de la charité de votre part. Mon bras et ma cuisse sont en bon bois, Dieu merci, comme on dit, et dans une semaine il n'y paraîtra plus. J'avais justement besoin d'une saignée contre l'apoplexie qui me guette. Quant à passer en Normandie, nous y sommes, et ces coquins, en tirant l'épée sur le territoire du roi Charles, ont soulevé un casus belli, comme parlerait messire Jean Conneau, notre prieur, qui est un grand politique. Mais il ne s'en inquiète guère. M'est-il permis de donner un humble conseil ?»« Donne, l'ami, » répliqua Monsieur Hugues, « quoique j'eusse aimé voir l'esprit des batailles sous un autre habit que le tien. »« Eh, monseigneur, chacun fait comme il peut, » murmura frère Bruno. « Je suis valet de moine, et non point moine, n'ayant pas été admis encore à prononcer mes vœux. D'ailleurs, quand Madame Jeanne d'Arc sacra le roi dans Reims, on ne lui reprocha point son habit, que je sache. » « Mon conseil, le voici. Les grèves par ce 3e quartier de la lune junienne, qui signifie de juin, sont aussi claires que le jour, et souvent davantage. En cette saison, les brouillards sont diurnes, qui signifient de jour, et si j'avais à prendre la fuite, je ne choisirais certes pas les heures de nuit. « Quel moment choisirais-tu ? L'heure où nous sommes. Où penses-tu que soit l'ennemi ? L'ennemi n'aura pas laissé un seul traînard à Tombelaine. Il est à son repère de Saint-Jean, de l'autre côté des grèves, ou bien il se cache parmi les rochers qui sont autour de la chapelle Saint-Aubert, à la pointe du mont Saint-Michel. Si mon digne seigneur me le permet, j'ajouterai une autre considération. Parle, mais parle vite. Je veux bien dire que je n'ai point le défaut de bavardage. La considération que je voulais ajouter est celle-ci. Ils ont une meute qui fera merveille après vous par la nuit claire, tandis que chacun sait bien que les lévriers, comme les limiers et autres chiens de cour, perdent les 3/4 de leur flair dans la brume. « Je n'ai jamais ouï parler de cette meute, » dit Monsieur Hugues. Aubry s'approcha. « Monsieur mon père, » répliqua-t-il, « tout ce que vient d'avancer le brave frère Bruno est la vérité même. Il connaît les grèves mieux que nous, et je crois que nous pourrions, à la faveur du brouillard. Mais et si le brouillard se lève ?» objecta Maurevers. Bruno monta sur le mur afin d'examiner l'atmosphère attentivement. « Le vent est tombé, » dit-il. « La mer baisse. Nous en avons jusqu'au flux. » « Sois donc fait suivant cet avis, » conclut Maurevers. « Allons visiter ma fille. » Aubry n'avait pas attendu si longtemps pour cela. Quand il avait pris la parole pour soutenir l'avis du moine convert, c'est qu'il avait déjà rendu visite à Rennes. Rennes était un peu pâle, mais sa blessure, assez légère, ne pouvait réellement faire obstacle au départ. Son père la trouva souriante et gaie, faisant ses préparatifs qui ne devaient pas être bien longs. Monsieur Hugues planta la croix de bois qui lui avait servi pour ses dévotions au point culminant du roc de Tombelaine. Nous ne pouvons dire qu'elle y soit encore, mais le petit mamelon qui est au versant occidental du mont porte de nos jours le nom de Croix Mauvert. Le frère Bruno songeait bien un peu à déjeuner, seulement c'était peine perdue. La brume s'épaississait, il fallait profiter de l'occasion. Comme on allait se mettre en marche, Simonette entra dans la tour avec son père, sa mère et le petit Jeannin qu'elle tenait par la main. « Que voulez-vous, bonnes gens ? » demanda Monsieur Hugues. « Monseigneur, » répondit le vieux Simon, « vous nous connaissez bien, nous sommes vos vassaux fidèles, les Le Priol du village de Saint-Jean. Notre fille Simonette que voilà est fiancée au jeune gars Jeannin. Mais ce n'est pas le moment, commença Maurevers. C'est étonnant, pensa frère Bruno, comme il y a des gens qui sont verbeux. « Je ne veux pas vous parler de fiançailles, monseigneur, » reprit Simon. « Mais le jeune Jeannin est venu à nous et nous a fait part d'une bonne idée qu'il a pour le salut de mademoiselle Reine, notre maîtresse. Et nous l'amenons, bien qu'il ne soit point votre vassal. Parle, mon fils Jeannin. » Jeannin était rouge comme une pomme d'api. « Voilà, » dit-il en tournant son bonnet dans ses doigts. « On assure que c'est pour la demoiselle que le chevalier Méloir fait tout ce tapage-là. Dans le brouillard, qui sait ce qui peut arriver? Moi, j'ai pensé... J'ai les cheveux comme la demoiselle, et ma barbe n'est pas encore poussée. Je pourrais bien mettre les habits de la demoiselle, et alors, en cas de malheur, il me prendrait pour elle. « S'il te tuait, enfant, » dit Maurevers. « Oh oui, ça pourrait arriver, » répliqua Jeannin en souriant, « car il serait en colère de s'être trompé. Mais ça ne fait rien. Je vous dis que c'est un vrai bijou, ce pot de mouton. » s'écria Bruno enthousiasmé. La demoiselle serait sauvée, reprit Jeannin. Voilà le principal. Reine de Maurevers et le vieux Hugh lui-même voulurent s'opposer à ce déguisement, mais il y eut contrainte parce qu'Aubry fit un signe. Toutes les filles, Simonette en tête, elle avait pourtant la larme à l'œil, s'emparèrent de Reine. Jeannin passa derrière le mur. L'instant d'après, Reine revint vêtue de la peau de mouton. Jeannin, lui, avait le costume de la fée des grèves, et il était joli comme un cœur, au dire de toutes les Gothons. Il arrangea le voile de dentelle sur ses cheveux blonds, envoya un baiser à Simonette qui riait et qui pleurait, et franchit le premier l'enceinte pour entrer en grève.